Dieu est bon en tout temps. Il exerce la souveraine prérogative de choisir quand et comment il exprimera cette bonté. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un faire ce genre de récrimination. « Je veux avoir ce que je mérite ». Plus souvent qu'autrement, il s'agit d'une personne qui se sent lésée et c'est pourquoi elle veut que ses droits et privilèges soient reconnus. Or, quand nous abordons le domaine spirituel, personne ne veut avoir ce qu'il mérite. Car nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Ce n'est là qu'une des nombreuses expressions de la bonté miséricordieuse de Dieu. Voici notre enseignant, Charles Stanley. Comment imaginez-vous Dieu? Cette question est-elle importante pour vous? Connaissez-vous certains aspects de sa nature? Êtes-vous en mesure de témoigner de votre foi à une autre personne si le besoin s'en fait sentir? Votre soif de connaissance de Dieu est-elle assez impérieuse pour désirer l'approfondir et mieux comprendre votre relation avec ce Dieu que vous servez? Votre conception de Dieu est importante, car elle pourra soit fortifier votre foi, soit vous causer beaucoup d'incertitudes. Elle vous donnera du courage. Elle sera pour vous soit une occasion d'obéir à Dieu avec joie, soit de vous rebeller contre lui. Elle vous incitera à rechercher la volonté de Dieu ou à vouloir vivre comme vous l'entendez. Et finalement, elle vous rapprochera de Dieu ou elle vous séparera de lui. Aucun concept de l'entendement humain n'est plus élevé que la conception de Dieu. Votre perspective sur Dieu exercera une influence déterminante sur votre façon de vivre. Peut-être pensez-vous, « J'aimerais bien connaître Dieu davantage, mais je ne sais pas par où commencer. Et avec tous ces charlatans et toutes ces sectes, je ne vais pas demander conseil à n'importe qui. » Dieu connaît vos hésitations, et il a tout prévu. Bien avant votre naissance, il avait prévu votre besoin, et il a dicté à ses serviteurs tout ce que vous avez besoin de connaître sur lui dans un livre. Ce livre a résisté à l'usure du temps, et il est encore accessible aujourd'hui, et souvent gratuitement. Il s'agit de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons le temps d'ouvrir notre Bible, qui est la parole de Dieu, afin de découvrir ce que Dieu veut nous dire sur lui-même. Car à travers les âges et les cultures, nous entendons beaucoup d'opinions et d'idées sur Dieu. Les gens aiment beaucoup parler de lui et pour lui. Or, la question est de savoir, qu'est-ce que Dieu dit de lui? Et le meilleur endroit pour trouver une réponse à cette question est dans sa parole. Si vous avez une Bible à portée de main, nous pouvons maintenant l'ouvrir dans le psaume 118 au verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. De nos jours, le verbe « louer » est souvent employé dans le sens de location, mais au temps où la Bible a été écrite, il était employé dans le sens de chanter des louanges à Dieu. Car quand nous pensons à qui Dieu est et à ce qu'il fait, quand nous pensons à ses attributs et à sa grandeur, il vient un temps où notre cœur est tellement rempli de joie qu'il déborde de louanges à son endroit. Pensons au privilège qui nous est accordé de pouvoir connaître la bonté de Dieu. Quand les gens pensent à Dieu, ils pensent souvent à quelqu'un de très puissant, de très élevé, de distant d'eux. Ils pensent moins souvent à Dieu comme étant quelqu'un de bon. Or, en vérité, nous avons affaire à un Dieu rempli de bonté. Et quand nous écoutons Dieu nous parler de sa bonté dans sa Bible, nous avons nettement l'impression qu'il désire faire preuve de bienveillance envers nous. Il veut être bon avec nous. Il veut nous exprimer cette bonté en nous faisant du bien. Il désire pour nous ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Il veut nous faire découvrir ce que la vie peut nous apporter de meilleur, car ce que nous désirons dans la vie est souvent conditionné par la culture dans laquelle nous vivons. Cependant, Dieu, parce qu'il est bon, veut satisfaire notre besoin réel. Quand nous considérons la nature de Dieu et qu'on se rappelle qu'il est infini et éternel dans tous ses attributs, nous pouvons conclure qu'il a toujours été bon. Il est bon maintenant. Il sera toujours bon. Et parce qu'il est éternellement bon, tout ce qu'il fait est bon. Dieu exprime toujours sa bonté et son œuvre en porte l'empreinte, car Dieu est bon par nature. Et quand nous pensons à lui, nous pensons à lui en ces termes, comme il parle de lui dans ce passage. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu est-il bon envers tout le monde? Oui, il l'est. Dieu est bon envers nous tous. Regardons le psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Nous avons le choix de décider où Dieu est bon ou il n'est pas bon. Sa parole affirme qu'il est bon envers nous tous. Peu importe les circonstances ou la situation dans laquelle nous nous trouvons, en vérité, nous pouvons tous constater la bonté de Dieu dans notre vie. Il est bon envers tous. Nous ne pensons pas habituellement à la bonté de Dieu en ces termes. Or, regardons ce qui est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 35. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon même envers les gens ingrats et les gens méchants. Dieu est bon envers tous. Il nous le dit dans sa parole. Sa bonté s'exprime dans plusieurs aspects de notre vie. Et nous devons nous habituer à penser à Dieu en ces termes. Il n'est pas seulement puissant, omnipotent et saint. Il est également bon. Il veut être bienveillant envers nous. Il désire nous exprimer sa bonté de différentes manières. Dieu est donc véritablement bon envers nous tous. Et si nous voulons profiter de la pleine mesure de la bonté de Dieu, nous lui obéirons. Si nous voulons profiter de la pleine mesure de la bonté de Dieu, nous marcherons avec droiture et justice devant lui. Dieu a planifié pour nous un chemin de bonté. Et si nous marchons avec obéissance dans ce chemin, si nous lui sommes soumis, nous lui ferons confiance, car nous savons que nous trouverons sur ce chemin de bonté tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous le rendra accessible. Cependant, si je décide de faire mon propre chemin et de marcher dans mes propres voies, cela revient à dire à Dieu « Je crois qu'il existe un meilleur chemin pour moi que celui que tu me proposes. Je crois qu'il existe quelque chose de bon pour moi dans cette vie et dont tu veux me priver, ou dont tu m'as déjà suffisamment privé. Je prends donc la décision de ne plus obéir à ce qui semble être ta volonté, car je crois que je pourvoirai mieux à mes besoins par mes propres moyens. Je sais mieux que toi ce qu'il y a de bon pour moi. Et je vais le prendre, que tu le veuilles ou non. Quand je parlais de la bonté de Dieu tout à l'heure, vous vous êtes peut-être demandé, si Dieu est si bon, pourquoi y a-t-il tant de crimes et de guerres dans le monde? La réponse est simple. Quand l'homme décide d'en faire à sa tête, il en résulte de l'injustice. C'est exactement ce qu'Adam et Ève ont fait, toutefois. Le chemin de la bonté est le chemin de l'obéissance et de la droiture sous l'œil bienveillant de Dieu. Peut-être pensez-vous en des termes moins généraux. Peut-être pensez-vous à votre situation personnelle en ces termes. Il existe beaucoup de bonnes choses dans la vie que j'aimerais bien avoir, mais je ne les ai pas. Si Dieu était si bon, je crois qu'il me donnerait certaines choses dont j'ai réellement besoin. Mais s'il ne me les donne pas, je suis en droit de remettre en question la bonté de Dieu pour moi. considérons cette objection pendant quelques moments. Premièrement, la conception que Dieu se fait de sa propre bonté n'est pas forcément la même que la vôtre. Si Dieu dit qu'il est bon, c'est qu'il est bon selon sa propre définition de la bonté. Quelqu'un pourrait par exemple dire « Je vois tous ces gens autour de moi, ils sont riches, ils sont en santé, et ils ont toutes sortes de choses que j'aimerais avoir. Si Dieu était si bon, il me donnerait tout cela à moi aussi. » Pourquoi Dieu ne nous traite-t-il pas tous de la même manière? Nous nous sommes probablement tous posé cette question à un moment ou à un autre de notre vie. Nous passons des moments difficiles et nous posons la question « Pourquoi, Seigneur? » Or, en vérité, Dieu connaît dans sa sagesse ce qui est bien pour nous, et parfois le chemin de notre bien passe par des temps d'épreuves, de difficultés, de souffrances et de tentations. Toutes ces choses sont bonnes pour nous, car elles nous font grandir, elles nous contraignent à dépendre de Dieu encore plus. Elles nous enseignent à lui faire confiance, elles nous montrent le sens de la persévérance. Il existe certaines choses très bonnes pour nous que nous éviterions si nous le pouvions. Les plans et les buts de Dieu pour la vie de chacun de ses enfants varient selon les personnes. C'est pourquoi le chemin de la bonté de Dieu sera différent selon chacun, mais il pourvoira aux besoins de chacun selon sa sagesse. La bonté de Dieu ne s'exprimera donc pas de la même façon dans la vie de tous. Si vous regardez autour de vous en vous posant la question, « Seigneur, si tu es aussi bon pour moi que tu l'es pour eux, pourquoi est-ce que je ne profite pas de tout ce qu'ils ont? » Vous devez décider alors soit de croire en la bonté de Dieu pour vous et de croire que ces choses ne seraient peut-être pas bonnes pour vous, soit de remettre en question la bonté de Dieu et de vivre avec des sentiments d'injustice et de frustration. Je crois que nous pourrions tous nommer des choses qui, de prime abord, nous paraissent bonnes et dont nous souhaiterions pouvoir jouir. Or, en vérité, à bien y penser, nous pouvons conclure qu'elles ne seraient pas si bonnes que cela. Dieu est trop bon pour nous donner sciemment des choses qu'il sait être mauvaises pour nous. Il nous permettra alors de les manipuler. Il nous permettra de les gérer, mais sans vraiment les posséder. Car Dieu sait le tort qu'elle pourrait nous causer. Satan a toute une panoplie de tentations à offrir au monde dans le seul but de détourner les gens de Dieu. Satan s'affaire continuellement à voler, à mentir, à tricher et à manipuler ce genre de choses. Et les gens sont parfois prêts à faire n'importe quoi pour obtenir certaines choses, saisir certaines occasions ou obtenir certains avantages, peu importe ce que cela coûtera. Or, Dieu veut notre bien à tous. En vérité, il veut notre bien. Il se préoccupe de chaque individu, personnellement, parce qu'il est dans sa nature d'être bon, comme nous l'affirme le psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. En deux phrases simples, le psalmiste déploie des trésors de sagesse. Il témoigne de la bonté de Dieu et il nous donne la clé pour en goûter la pleine mesure. Que devons-nous faire? Faire de la volonté de Dieu le but ultime de notre vie. En faisant de son but pour notre vie, notre propre but, nous apprendrons à le connaître mieux et nous réaliserons sa bonté. Dieu nous demande de marcher avec obéissance devant lui. C'est à ce prix que nous constaterons son amour pour nous, sa bonté envers nous. Nous expérimenterons absolument la bonté de Dieu si nous demeurons sur son chemin. Il nous révélera alors à quel point il peut être bon pour nous. Et si nous n'aimons pas la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devrons alors nous poser la question suivante. Seigneur Dieu, suis-je encore sur ton chemin ou est-ce que je me suis égaré quelque part? Ai-je pris la décision d'utiliser une partie de mon temps, de mon énergie ou de mon argent comme je le voulais parce que je voyais quelque chose d'attirant pour moi? Méfions-nous de toute séduction qui pourrait nous coûter une partie de la bonté de Dieu. Je voulais vraiment clarifier ce point, car lorsque nous parlons de la bonté de Dieu, voilà à quoi nous pensons spontanément. Il nous donnera une nouvelle auto, une nouvelle maison, une nouvelle robe, un nouveau complet, une meilleure éducation. Un peu plus de ceci et de cela. Après tout, s'il est vraiment aussi bon qu'il le prétend, pourquoi pas? De plus, il pourrait nous aider à perdre du poids, ou, pourquoi pas, à en gagner. Il nous aidera à améliorer notre apparence. En un mot, si Dieu est bon, il exprimera sa bonté comme cela. Je voulais souligner ces choses, car à partir de maintenant, nous irons dans une direction complètement différente pour parler de la bonté de Dieu. Ce n'est pas que ces choses dont je viens de parler ne sont pas bonnes. Toute bonne chose que nous recevons vient de Dieu. Or, j'aimerais maintenant parler d'un autre ordre d'expression de la bonté de Dieu. Ces expressions de bonté sont totalement hors de notre atteinte ou de notre pouvoir, car la bonté de Dieu ne s'exprime pas seulement en termes de choses physiques ou matérielles. Dieu seul peut exprimer l'essentiel de sa bonté. J'aimerais donc vous parler de trois aspects, de trois expressions de la bonté de Dieu envers nous. Nous serions incapables d'en bénéficier si Dieu n'avait décidé de nous en faire cadeau. Premièrement, Dieu nous exprime sa bonté par sa miséricorde. Par le mot « miséricorde », je veux parler de ce souci qu'il a pour nous, de sa tendresse et de l'amour qu'il ressent à notre égard. Habituellement, nous pensons à la miséricorde de Dieu en termes de salut. Dieu a eu pitié de nous et, au lieu de nous faire subir le juste châtiment de notre péché, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre mourir pour nous. Or, selon la Bible, la miséricorde de Dieu se définit habituellement par une tendresse et un amour pour les gens qui souffrent, qui sont dans le besoin ou dans la détresse. Deuxièmement, Dieu nous exprime sa bonté par sa compassion. Dans le 10e chapitre de l'Évangile selon Marc, Jésus se trouve dans la ville de Jéricho. Il est en route vers la croix et une grande foule se rassemble autour de lui. Soudain, son chemin croise celui d'un mendiant aveugle nommé Bartimée. Écoutons le compte-rendu de Marc, chapitre 10, versets 47 et 48. Il, en parlant de Bartimée, entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Bartimée voulait faire connaître son besoin au Messie. Il était aveugle. Il lui disait « Saurais-tu faire preuve de compassion et de tendresse envers moi? Serais-tu miséricordieux à mon égard? Voudrais-tu, pourrais-tu m'aider? » Jésus ne se serait pas arrêté pour un empereur romain. Il ne se serait pas arrêté pour un pharisien ou un sadducéen. Or, il s'est arrêté pour un pauvre mendiant, aveugle et sans ressources. Il a éprouvé de la compassion pour lui. Il l'a appelé et l'aveugle s'est approché de lui. Et dans Marc, chapitre 10, verset 51, nous lisons. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue !» Que demandait-il ? De la miséricorde ! Il cherchait de la compassion, il cherchait la tendresse de Jésus, il cherchait son amour. Il nous est parfois difficile et humiliant d'admettre le fait qu'il n'existe rien en nous pour mériter la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Rien. La miséricorde est une pure grâce de Dieu. Et la raison de cette grâce ne se trouve pas en nous, mais dans la nature même de Dieu. Dieu veut exprimer sa bonté envers tous les hommes. S'il n'en était pas ainsi, plus personne ne vivrait sur cette terre. Si Dieu n'était pas miséricordieux, la plupart d'entre nous seraient morts depuis longtemps. Or, Dieu s'est montré patient et tolérant à notre égard, et Jésus a pris le temps de s'arrêter alors qu'il marchait sur le chemin de sa crucifixion pour exprimer la bonté de Dieu en guérissant Bartimée. Dans le 18e chapitre de l'Évangile selon Luc, Jésus nous enseigne avec une parabole à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens étaient les chefs religieux de cette époque. Ils interprétaient la loi et ils étaient des membres privilégiés et respectés de la société juive. Les publicains, par contre, étaient des collecteurs d'impôts à la solde de l'envahisseur romain. Même s'ils étaient eux-mêmes juifs, ils étaient méprisés et détestés par leurs concitoyens à cause de leur travail. Ils étaient considérés comme des traîtres envers la nation. Quand Jésus commence sa narration en introduisant ces deux personnages, les premiers auditeurs de cette parabole s'attendaient certainement à ce que le pharisien ait le beau rôle. Lisons les versets 11 à 13. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Personne n'a jamais adressé une prière à Dieu sans qu'il l'entende. « Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur !» Nous avons vu dans le premier cas l'histoire d'un homme sans espoir et sans ressources à cause de son infirmité physique. Ici, nous voyons un homme sans espoir et sans ressources par rapport à son péché. La miséricorde de Dieu est abondamment déversée sur nous pour nous soulager de tout mal physique ou de tout péché. Telle est la bonté de Dieu. Pour l'exprimer, Dieu n'attend pas de voir en nous quelque chose de valable. Sa bonté n'est pas une réaction à une œuvre méritoire de notre part. Tournons maintenant dans le quatrième chapitre de l'Épître aux Hébreux. Nous examinerons quelques versets très importants. Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de la grâce, voilà où nous trouverons miséricorde. Nous trouverons sur ce trône un Dieu qui se soucie de nous avec amour et tendresse. Dieu éprouve de la compassion envers nous. Troisièmement, Dieu nous exprime sa bonté par sa patience. La miséricorde de Dieu est liée de près à sa patience. Nous en avons la preuve dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu exprime sa miséricorde et sa patience dans la vie de certaines personnes qui ont été sauvées à un âge avancé dans leur vie. Dans certains cas, ces personnes étaient alcooliques ou droguées. Parfois, elles avaient commis des actes très répréhensibles, méchants, vils et impies. Et maintenant, elles considèrent leur vie et pensent « Pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé ?» Peut-être pensez-vous cela vous-même. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à me rebeller contre Dieu. Vous pourriez peut-être faire une liste de péchés qui, dans votre ancienne vie, vous paraissaient banals, mais qui vous repoussent maintenant. Comment Dieu pouvait-il être aussi patient et miséricordieux envers moi? La réponse à cette question se trouve dans sa nature. Il est de la nature de Dieu de se montrer miséricordieux envers ses créatures. Si nous cherchons en nous quelque chose qui demande, exige ou soit digne de miséricorde, nous ne le trouverons jamais. Et en vérité, nous devons tous nous humilier devant Dieu en nous reconnaissant indignes de son pardon. Peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, peu importe la vie que vous avez menée, personne n'a mérité la miséricorde de Dieu, sa compassion, sa tendresse ou son amour. Personne! Rappelez-vous que nous sommes tous venus dans ce monde sous la domination du péché. Nos penchants naturels nous éloignaient de Dieu et nous rendaient rebelles à sa volonté. Et même si Dieu a démontré sa bonté en sauvant quelques-uns d'entre nous au début de leur vie, nous ne devons pas conclure que notre nature pécheresse n'est pas la même pour nous tous. La façon dont elle s'exprime peut varier d'une personne à l'autre, mais la nature, la profondeur et l'intensité de notre nature pécheresse est la même pour nous tous. Comment Dieu nous a-t-il sauvés dans sa miséricorde? Personne ne peut prétendre avoir mérité de jouir de sa faveur. Dieu nous a sauvés selon sa miséricorde et non à cause d'une œuvre de justice que nous avons accomplie et dont nous pourrions nous vanter. L'initiative de notre salut revient entièrement à Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à nous et a exprimé envers nous une bonté et une miséricorde qu'aucune action de notre part ne justifiait. Il a contemplé notre détresse, notre désespoir, notre incapacité à nous sauver par nos propres moyens. Il a décidé de pardonner nos péchés et de commencer dans notre vie un magnifique travail de sanctification. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley nous a parlé de la manière dont Dieu nous exprime sa bonté. Nous avons étudié trois aspects: sa miséricorde, sa compassion et sa patience. Et parce qu'il est miséricordieux, le Seigneur a donné à tous les hommes un moyen d'être pardonnés en acceptant le sacrifice de Jésus sur la croix. Toutefois, Charles Stanley a souvent souligné que nous devions accepter l'offre de Dieu pour expérimenter son pardon. Nous vous encourageons donc à prendre cette décision dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Dieu nous a créés avec une soif d'amour qu'il est le seul à pouvoir assouvir parfaitement. Et tout ce que le monde peut nous proposer n'est qu'un faible succès d'années comparé à l'amour et à la bonté de notre Créateur. Le psaume 100, versets 1 à 5, nous rappelle la bonté de Dieu. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. » C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.